Tiens, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha, voilà du Bouddha. Pour les Alsaciens, les Suisses, les Lorrains. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, on n'a plus, pour les Belges, on n'a plus. Ce sont des tireurs au cul. Sans petit courri, nous sommes de la scarte. Voilà du Bouddha, voilà du Bouddha.